Bonsoir, chers fidèles auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de cette édition. Tout d'abord, les titres. Certains membres du comité exécutif du parti Iprona réclament la démission du président de ce parti. Ses membres l'accusent de mauvaise gestion. De son côté, Abel Gachati rejette toutes ces accusations tout en précisant qu'il n'attend pas quitter ce poste. Vous l'entendrez dans cette édition. Une soixantaine de candidats qui ont bénéficié d'une formation pédagogique organisée par l'ENES ont reçu leur certificat ce vendredi. Et aussi des du pays, on parlera de l'écroulement du pont situé sur la rivière Ndurumu, reliant la province Makamba et Bururi, et qui perturbe la circulation des personnes et des biens. Vous aurez également droit à la revue de la presse. Rendez-vous à la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Les détails, c'est dans quelques instants. La mise en onde de cette édition est assurée par Aimé Toussaint Mitewoutsi. À la présentation, Moïse Misago, bienvenue. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons cette édition par la page politique. Certains membres du bureau exécutif du comité central du parti Iprona demandent la démission du président de ce parti, Abel Gachati. Ce comité l'accuse de 28 fautes lourdes commises depuis le début de son mandat en 2016. Entre autres accusations, il y a la vente d'une parcelle de ce parti se trouvant en zone urbaine de Kamenge, ainsi que le refus de réunir les membres de ce parti de façon transparente. Le compte rendu de ce document avec Mireille. Dans ce document de 10 pages signé le 6 janvier de cette année, certains membres du bureau exécutif et du comité central du parti Uprona accusent le président actuel de ce parti de fautes lourdes relatives aux finances de ce parti et au fonctionnement du même parti. Parmi les 28 fautes qualifiées de lourdes par les signataires du dit document, figure une vente opaque d'une parcelle de ce parti située en zone Kamenge pour un montant d'un milliard de francs burundais sans aval des organes habilités du parti. Selon ce document, le président du parti, Abel Gachati, ne reconnaît que 700 millions de francs burundais. Il est également accusé de détournement des recettes des réunions et fêtes tenues à la permanence nationale de ce parti Kumugumya, ainsi que la vente d'une parcelle située sur le boulevard de l'Uprona, l'ancien ballet national. Autre accusation, c'est un détournement de plus de 8 millions de francs burundais de loyer mensuel sur des biens du parti à l'endroit communément appelé CFA. D'après le même document, le président actuel du parti s'est refusé de convoquer et de tenir des réunions selon les statuts du parti. Il donne le point de vue du parti sur la vie du pays sans avoir consulté les organes dirigeants, spécialement le bureau exécutif du comité central du parti poursuit ce document. C'est également le refus de réunification du parti de façon transparente et de semer la zizanie au sein des organes dirigeants du parti. Les signataires de cette demande de démission font savoir que dès le début de son mandat, le 14 août 2016, les membres du parti voulaient une bonne organisation du parti, mais en vain, disent-ils. Afin d'éviter une crise dans ce parti, certains membres de ce bureau demandent qu'il procède formellement à sa démission et de bien convoquer en ayant 15 jours une réunion du bureau exécutif du comité central de ce parti Uprona pour prendre acte de cette démission. Parmi les signataires de ce document, l'on citerait notamment Tarsis Nkezabahizi, Guiterou Zidieudonné, Honorable Ansen Niyongabo, Ndayishimiye Poncien, Consili Nibigira et l'Honorable Nimenya Glorieuse. Merci Mireille Kanyange. Et de son côté, le président du parti de Gwagasore déclare qu'il n'attend pas de démissionner de son poste de président du parti Iprona, comme le demandent certains membres du bureau exécutif de cette formation politique. Les accusations de mauvaise gestion des biens du parti portées contre lui par ses ipronistes sont insensées, dit-il. Il indique que certains d'entre eux sont membres du comité d'orientation du parti et ont apposé leur signature sur l'autorisation de vente des parcelles. Abel Gachati réaffirme qu'il n'est pas le seul à gérer le parti au point qu'il le ferait à sa guise. Suivez-le. Et le problème de gestion au sein du parti Prona, je pense qu'aujourd'hui, si vous lisez très bien le document, ces gens-là mettent en cause seulement le président du parti Prona. Alors que le Prona est dirigé par 3 personnes. Je suis le président, il y a un vice-président, il y a un secrétaire général. Et quand on veut retirer une somme quelconque à la banque, le président en aucun cas ne peut signer seul sur un chèque. Il doit quand même bénéficier la VAR du vice-président, du secrétaire général. De 2, la vente des biens du parti Prona, les parcelles, les biens immobiliers. Ce sont ces mêmes gens qui nous ont donné l'autorisation car 2 de ces gens-là figurent parmi les membres du conseil supérieur d'orientation. Il s'agit de Mme Conseiller Nivigira et de M. Honorable Anissé Nyongao. Et je vous ai montré le document là où ils ont signé, nous donnant l'autorisation de vendre ces biens après avoir donné des explications au bureau exécutif. Pour dire que ce sont des gens qui ont d'autres intentions. On est à la veille des élections, on est à la veille de 2020. Au sein du parti Prona, il y a des gens, surtout ces anciens du parti Prona, ils sont habitués à occuper les premières places. C'est une question de positionnement. On a commencé à recevoir ce genre de difficultés dans certaines provinces. À Bururi, il y a ceux qui veulent se positionner tête de liste. Mais même à Muramvya, c'est comme ça. Ce sont déjà d'ailleurs qui parmi eux ne cotisent même pas, ne participent même pas activement aux activités du parti Prona. Et la direction actuelle du parti Prona a déjà dit qu'elle va mettre en avant ceux qui sont au travail. Donc, ces gens-là ont peur de perdre les têtes de liste dans les provinces respectives. C'est ça le conflit qui existe entre le président du parti Prona et ces gens-là. Il y a quelque peu, vous aviez indiqué qu'il n'y aura plus de division au sein du parti Prona, mais aujourd'hui, à quelques mois de votre discours en province de Bururi, voilà des divisions qui surviennent et à la veille des élections. Quel est le nez du problème au sein du parti Prona par rapport à ces chicaneries? J'ose dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de division au sein du parti Prona. Une affaire de 20 personnes, on ne peut pas dire que ce sont ces 20 personnes qui vont diviser le parti Prona. Ces personnes ne sont pas n'importe qui au sein du parti Prona, c'est parmi les ténors du parti. Non, ce ne sont pas les ténors, j'ose le dire. Aujourd'hui, au sein du parti Prona, on est arrivé à un changement. Il y a bien sûr ceux qui pensent qu'ils sont des ténors, mais aujourd'hui, nous avons des jeunes dynamiques. Abel Gachassi, le président du parti Prona, était au micro de Charlie Makoto. Page éducation à présent. 62 candidats à la formation pédagogique organisée par l'école normale supérieure NS ont reçu ce vendredi leur certificat. Noussoura Hassan, directrice générale de l'NS, précise que ces formations apportent une valeur ajoutée aux bénéficiaires car ils vont cette fois-ci exercer leur métier d'enseignant de façon professionnelle. Suivez-la. Dans les missions de l'école normale supérieure, nous avons la formation initiale, mais également une formation continue qui délivre des méthodes pédagogiques et psychopédagogiques appropriées. C'est une mission que le gouvernement nous a confiée et nous sommes tenus à réaliser cette mission. Ça fait partie du travail que nous devons réaliser. C'est la première promotion qui vient de sortir et nous comptons continuer parce que ça fait partie de nos missions et pour que la qualité dans l'enseignement fondamental et post-fondamental puisse s'améliorer. Quels seront les avantages de ces enseignements pour les élèves et pour les enseignants? Pour les enseignants qui sont formés pédagogiquement, vont avoir la capacité d'enseigner selon les méthodes convenables, les méthodes pédagogiques dans l'enseignement. Et s'ils utilisent les méthodes appropriées, ils vont délivrer un enseignement de qualité. Et les élèves seront capables de bien assimiler la matière d'une façon appropriée. C'est pourquoi la formation qui vient d'être dispensée sera bénéfique et pour les enseignants et pour les élèves qui vont être formés par ces enseignants. Page bonne gouvernance à présent. La zone de Rubona, nous sommes en commune Mugina de la province Chibito qui au nord-ouest du pays fait face aux problèmes socio-économiques. Cela est dit par le chef de zone qui indique que cette contrainte administrative a besoin d'un marché moderne, la route, l'eau potable ainsi que des structures de santé. Eric Sabemnier, chef de zone Rubona, demande à sa population de se lancer dans les travaux de développement et au gouvernement d'affecter dans cette zone des enseignants suffisants. On l'écoute, il est traduit en français par Évariste Nzikobanyang. muri zone ya rubona nkahandi ariho umugambi uzohava ushikwako wo kubaka isoko nkuko dans la zone rubona nous avons un projet comme ailleurs de construire un marché moderne pour concrétiser ce projet les opérateurs économiques jouent un grand rôle ces derniers se mettent ensemble pour envisager l'espace qui va abriter ce marché. Ensuite, c'est la commune qui intervient pour analyser si ce projet est nécessaire et comment il doit être mis en application. Aujourd'hui, ces opérateurs ne se sont pas encore mis ensemble pour relancer ce projet. L'on trouve ici à Rubona que le projet de développement est primordial, notamment la construction d'une route. Même si les travaux sont en cours, l'on constate qu'ils ne sont pas efficaces. En principe, notre zone est constituée de hautes montagnes et nous n'avons pas de l'eau potable. La population ne consomme que l'eau qui n'est pas propre. L'on demande que le centre de santé de Rubona devienne un hôpital pour que la population puisse se faire soigner à petite distance. Nous demandons également à la population d'Ongoma de finaliser les travaux de construction du centre de santé de la place pour qu'elle trouve où se faire soigner. La zone de Rubona fait face également à un manque criant d'enseignants. Les parents ont de la peine pour payer les vacataires. Nous demandons au gouvernement de se souvenir de la zone Rubona quand il va procéder à l'engagement des enseignants. Natwe muri zone Rubona udusabira kugira ngo turonke abigisha bakwiye. Page sécurité à présent, une femme âgée de 30 ans, connue sous le nom de Nyabenda Denise, dans la colline Kionza, commune Bugabira, nous sommes dans la province de Kirundo, a été tuée la nuit de ce vendredi par son mari Rambarasi Emmanuel. Comme l'indiquent les voisins de la défunte, Nyabenda a été battue par son mari. Les mobiles de cet acte ignoble restent toujours inconnus. Le commanditaire de cet acte a été arrêté par la police pour des raisons d'enquête. La défunte laisse derrière elle 3 enfants. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Le pont reliant la province Bururi et Makamba s'est écroulé, ce qui rend difficile la circulation des personnes et biens. Certains usagers de ce pont indiquent qu'ils ont déjà subi des pertes énormes, comme celle des vies humaines et autres suite à l'écroulement de ce pont. Ils demandent aux autorités de réhabiliter ce pont pour faciliter l'exercice de leurs activités quotidiennes, n'est-ce pas Jérôme Hakizimana? Ce pont Ndurumu se trouve dans la zone Gitaba de la commune Makamba. C'est sur la rivière Ndurumu, divisant la colline Mugutu et Karonge à 100 mètres du centre Mulenge. Il s'est presque tout écroulé, ce qui rend impossible la circulation à ce niveau, que ce soit les vélos, les motos ou les voitures. Quant aux piétons, quand cette rivière n'a pas débordé, ils s'arrangent de traverser en passant dans les zones de cette rivière. Les autres passent sur la bordure qui reste avec beaucoup de risques de tomber dans cette rivière parce que, comme disait-il, ils ont déjà subi des pertes humaines qui essayaient d'y passer. Il faut savoir que même leurs activités quotidiennes sont touchées car au cas où cette rivière déborde, ceux qui exercent les activités dans la colline Mugutu provenant de la colline Karonge ou vice-versa, que ce soit les élèves, les enseignants, les commerçants et tous les habitants en général, ne se présentent pas ce jour-là, d'où une perte énorme et un obstacle pour leur développement. Il demande aux autorités habilitées la réhabilitation de son pont pour faciliter la circulation et l'exercice de leurs activités quotidiennes, sans oublier la protection de leur vie. Ce pont de Rumu s'est écroulé il y a une année. Jérôme Hakizimana depuis Murenge, Radio Isanganiro. Merci Jérôme Hakizimana. Et les habitants de la colline Ruira de la commune Manda de la province Bubanza déplorent le fait qu'il y a ces derniers jours des acheteurs des propriétés foncières qui le font en cachette ou une propriété peut être vendue 2 ou 3 fois. Le chef de colline reconnaît les faits et précise que 2 personnes sont déjà arrêtées pour avoir fait cette vente illégale. Space Cartas Kabanyana, correspondance. Les habitants de cette colline de Rovira, dans la commune de Manda, parlent d'une autre façon de vol où quelqu'un peut vendre une propriété foncière qui ne lui appartient pas. Ou encore, on peut vendre un intérêt 2 fois et même plus, comme ça a été dernièrement le cas. Il déplorent les faits et craignent que si rien n'est fait et pour remettre les choses en ordre, de conflits fonciers peuvent éclater dans les jours à venir. La même source déplore également le fait qu'il y aurait certains administratifs à la base qui facilitent ce genre de vente illégale. Le chef de commune Rovira reconnaît les faits et dit ne pas comprendre comment des personnes peuvent acheter des propriétés foncières en cachette sans aviser les autorités pour être sûr de ce qu'ils achètent. Léonard Nsabimana précise que deux personnes ont été arrêtées il y a une semaine et ont été remises aux instances judiciaires. L'une avait vendu un terrain qui ne lui appartient pas, l'autre a vendu le même terrain deux fois. Il demande à tous ceux qui achètent des propriétés foncières de consulter tous les élus collinaires au nombre de 5 afin de bien vérifier si le terrain n'a pas de problème et ainsi éviter des conflits éventuels. Pescaritas Kabanyana, Ubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kabanya. Toujours dans cette province, les habitants de certaines collines des communes Manda et Rugadi se disent menacés par une maladie de la peau qui les pousse à se gratter à tout moment. Ils pensent que c'est la gale et demandent des médicaments gratuits puisque c'est une maladie très contagieuse. Le médecin directeur de la province sanitaire de Bouanza précise qu'une équipe de médecins prévoit une descente dans ces localités pour voir ce qui est de cette maladie. Docteur Joël Wigrimana appelle entre-temps la population à la propreté. Et pour clore cette édition, un problème de courant électrique se remarque dans certaines maisons des habitants de Fota au chef-lieu de la commune Ndava en province Mwaro depuis bientôt un mois. Les propriétaires de ces maisons non alimentées en courant électrique s'étonnent que d'autres bâtiments du même endroit sont éclairés. Au niveau de la régie des eaux, l'on indique que le problème réside à un transformateur situé à cet endroit qui ne fonctionne plus correctement. Laurent Dikourio, correspondance. Les propriétaires des maisons non alimentées en courant électrique à Fota, au chef-lieu de la commune Ndava, en province Mwaro, depuis bientôt un mois, disent qu'ils enregistrent d'énormes pertes. C'est l'exemple des salons de coiffure qui ne fonctionnent plus, des secrétariats publics qui sont fermés et les cafétariats qui ne vendent plus du lait car les frigos ne fonctionnent pas par manque de courant. Aussi, des moulins électriques sur la place se sont arrêtés et ceux qui ont besoin de moudre et du grain sont obligés ces jours-ci de recourir à des moulins fonctionnant au mazout. Cette situation se présente aussi dans certaines maisons d'habitation. Leurs propriétaires disent qu'ils sont obligés d'acheter des bougies, ce qui crée d'autres besoins supplémentaires, car ils doivent allumer 3 ou 4 bougies par nuit, selon la taille de la famille. Les propriétaires de ces maisons non alimentées demandent aux services habilités de trouver une solution dans les meilleurs délais, afin de retrouver le manque à gagner enregistré depuis un mois. Ils précisent que d'autres bâtiments de la place sont constamment éclairés au niveau de la régie des eaux. L'on indique que le problème est déjà connu. Alexandre Mukamarakiza, chef de centre Genda Tora Mwaro, dit que le transformateur installé à Fota donne seulement du courant monophasé. Il dit que seuls les usagers du courant triphasé ne sont pas alimentés. Il ajoute qu'une équipe chargée de la maintenance proviendra prochainement de la régie des eaux au niveau central pour préparer ce transformateur. De Mwaro, Laurent Dikourio, Radio Sanganiro. Merci Laurent Dikourio. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Aimé Toussaint Mitebouti pour sa parfaite collaboration technique. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. Le journal Iwacu revient sur le communiqué du 8 janvier, dans lequel le gouvernement du Burundi a officiellement réagi sur la fuite des lettres entre le président burundais et son homologue ougandais. Sont également évoquées dans ce document les relations tumultueuses avec le Rwanda. Bujumbura déplore que les déboires du voisin de l'outre Kanyaru soient négligés. La question de l'agression du Rwanda contre le Burundi doit être prise au sérieux par la communauté des États de l'Afrique de l'Est en vertu partie du principe sacro-saint du bon voisinage, tel que consacré par le traité de l'EAC. Sinon, rapporte toujours le journal Iwachu, c'est une entorse à l'intégration régionale. D'après Net Press, le président du FNL reconnu par le gouvernement, Jacques Bigirimana, propose un tête-à-tête entre le président burundais Pierre Nkurunziza et son homologue rwandais Paul Kagame. Jacques Bigirimana regrette qu'il n'y a pas d'effort réciproque pour une telle initiative, d'où des accrochages entre les deux voisins traités, même de jumeaux. Pour lui, rapporte ce journal en ligne, une telle rencontre pourrait être à l'origine du réchauffement des relations diplomatiques et sécuritaires entre Bujumbura et Kigali. Par le passé, rappelle encore le journal Iwachu, on a assisté à des confrontations verbales entre Kayibanda et Michombero et celle de Habyarimana et avec son homologue Bagaza. La solution est toujours venue par voie diplomatique. Et c'est hebdomadaire de conclure, c'est également usant cette méfiance, cette guerre des nerfs, cette guerre larvée qui ne dit pas son nom. Iwachu revient aussi sur l'ONG Handicap International qui a annoncé la fermeture de ses bureaux au Burundi. Aujourd'hui, les personnes vivant avec un handicap, premiers bénéficiaires de ces services, sont désemparées, constate ce confrère qui relaye les explications données par cette ONG. En effet, l'obligation du gouvernement burundais aux ONG étrangères de recruter sur base des quotas ethniques constitue la cause principale de cette décision. Pour elle, le processus d'identification ethnique et son mode de contrôle annuel imposé peuvent être des préalables à des mesures dont cette organisation dit ignorer la portée. D'après cette organisation d'origine franco-belge, à travers la fermeture au grand regret de son programme au Burundi, c'est pour éviter d'être complice d'une forme de discrimination ethnique interdite par les textes burundais en matière d'embauche, notamment la constitution burundaise qui évoque uniquement, en ce qui est de l'application des quotas, les secteurs de l'État et en aucun cas la société civile. Elle rappelle par ailleurs que l'article 6 du Code de travail burundais s'oppose à toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur l'origine ethnique ou sociale en ce qui concerne l'embauche, la promotion, la rémunération et la rupture du contrat. Iwachu précise qu'Handicap International ferme après 26 ans d'intervention au Burundi et qu'elle est la deuxième à annoncer officiellement son départ après Avocats sans frontières. Revue de la presse. Burundi Echo écrit sur les informations relayées par la radio nationale, à savoir que le Burundi envisage d'implanter une usine d'assemblage des automobiles. Notre confrère précise que ce projet de fabrication des automobiles est l'un des 5 projets en cours d'exécution au sein de la communauté est-africaine. Il s'agit du projet de fabrication des médicaments, celui du cuir, de production du coton en grande quantité et de transformation des minerais. Les filières scientifiques et techniques ne sont pas la prédilection des étudiantes, titre le journal La Voix de l'enseignant, qui rapporte les résultats d'une étude faite par une équipe de chercheurs de l'École normale supérieure ENS, de l'Institut de pédagogie appliquée et de FAWE Burundi, appuyée par la maison de l'UNESCO pour la culture de la paix au Burundi. Cette équipe, qui a diligenté l'étude, était pilotée par 2 femmes de science, Ansil Ngendakumana, docteur en mathématiques et directeur de la recherche à l'École normale supérieure, et Alice Nindorera, licenciée en biologie et présidente de FAWE Burundi. Selon notre confrère, toutes deux penchent plutôt vers les facteurs sociaux et anthropologiques. Elles expliquent que la raison principale de ce manque d'engouement est le préjugé selon lequel les sciences sont difficiles à comprendre et par conséquent, elles sont faites pour les garçons qui sont considérés plus performants que leurs sœurs. Par contre, au secondaire, c'est la parité entre filles et garçons. Selon les résultats de l'enquête, écrit toujours La Voix de l'enseignant, si les filles s'orientent dans les filières scientifiques, elles réussissent au même titre que les garçons. On termine sur l'environnement avec l'agence burundaise de presse ABP qui rapporte qu'environ 1000 plants d'arbres ont été repiqués mercredi sur la sous-colline Mija de la colline Musagara en commune et province Muramvya à l'occasion du lancement provincial de la campagne Ewe Burundu Rambaye en cette province. Ainsi se referme cette revue de presse présentée par Francine Ndokugayo et Jean-Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.